Les grands feuilletons de France Culture. Le mystérieux docteur Cornelius. Quatrième épisode. Le manoir au diamant. Ainsi donc, Baruch Yorgel, le fils du milliardaire américain, mais aussi, nous le savons, et nous sommes les seuls ici à le savoir, le très sinistre assassin du Crick sanglant, a été recueilli par le célèbre chimiste français Gaston de Maubreuil. Gaston de Maubreuil, si votre mémoire est bonne, est ce grand savant à qui l'on doit la synthèse en laboratoire de presque toutes les pierres précieuses. Presque toutes seulement. Car il lui reste encore à réaliser le rêve de sa vie, ce qu'il n'a pu jusqu'à présent réussir, la synthèse du diamant. C'est aujourd'hui que son nouveau collaborateur doit entrer en fonction. Quel nouveau collaborateur? Mais Baruch, voyons. D'ailleurs, tenez, le voici. Ah, mademoiselle André. Eh bien, monsieur Baruch. C'est bien ce matin que vous commencez à travailler pour mon père. Vous devez être content, non? Très content, mademoiselle André. Mais je... Oui, je vous écoute. Je le serais davantage si vous étiez moins distante avec moi. Distante, moi? Oui. Je vois bien que je vous suis indifférent. Je n'ai pas la chance de l'ingénieur Pagano, moi. Pourtant, c'est... Je vous en prie, monsieur Yorgel. Ce genre de conversation me déplaît profondément. D'ailleurs, voici mon père. Ah. Bonjour, père. As-tu bien dormi? Eh, très bien, ma petite fille, très bien. Eh bien, qu'as-tu? Rien, père, rien du tout. Ah, bon. Baruch, êtes-vous prêt à commencer nos expériences? Je suis prêt, cher maître, je suis prêt. Et très impatient même de visiter, enfin, votre laboratoire. Eh bien, allons-y alors. Nous allons avoir de longues journées d'expérience devant nous et il nous faudra commencer tôt. Regardez mes cailloux. Oui, j'en possède environ 700 variétés. Mais tout cela est sans intérêt. Oh, sans intérêt. Mais vous avez là une vraie fortune dans ces vitrines. Ce sont bien des rubis, ça, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Des rubis et d'autres pierres aussi. Non, ce qui m'intéresse maintenant, c'est la synthèse du diamant. Le carbone cristallisé est la seule gemme que je ne sois pas encore arrivé à reproduire de façon satisfaisante. Ah, vous pourriez? Ah, mais oui, bien sûr. D'ailleurs, je mets un intérêt passionné à la solution de ce problème. Voyez-vous, je veux que les pierres, que l'on paie actuellement des centaines de milliers de francs, deviennent aussi communes que les cailloux des chemins. Mais dites-moi, à vous entendre, cher maître, on a l'impression que vous détestez les pierres précieuses. Ah, oui, oui, pour ça, oui, je les déteste. Mais pourquoi haine, cher maître? Ah, je vous raconterai cela une autre fois. Non, maintenant, il faut que je vous explique comment fonctionnent mes appareils. Vous m'avez bien dit que vous connaissiez parfaitement tout ce qui touche à l'électricité. Oui, en effet, c'est moi qui ai installé l'usine électrique de la ville de Yorgel City que mon père a fondée dans le Far West. Ah, bon, très bien, très bien. Alors, voilà mon problème, n'est-ce pas? Vous voyez ce four qui occupe la moitié du laboratoire? Il fonctionne à l'électricité. Ah, bon. Malheureusement, je n'ai pas réussi jusqu'à maintenant à dépasser 5000 degrés. Et cette température est insuffisante. Mais c'est simple, il faut donc augmenter la puissance. Voilà, exactement. Exactement. D'ailleurs, j'ai commencé à construire un transformateur. Et à nous deux, cela ira sûrement plus vite. Oui, vous avez tout à fait raison et je suis à votre disposition d'ailleurs. Bon, eh bien alors au travail. Oui? Entrez. Oh, André. Mais Quelle heure est-il donc? Et la cloche du dîner va sonner dans une demi-heure. Oh, déjà? Bon, ben alors... Eh bien, cette première séance a passé avec une rapidité. Allons faire un tour de jardin en guise d'apéritif. Pardon. Ici, pistolet, voyons, ici, allez, oui, là, tu es bien content, tu es content de me voir après cette longue journée, hein? Là, eh bien, Baruch, eh bien, dites-moi, on dirait qu'il s'habitue à vous, hein? Ne trouvez-vous pas? Je ne m'y fie pas trop. Alors, comment s'est passée cette première journée, Père? Oh, très, très bien, très. Baruch est un collaborateur très expérimenté. Ah! Ah! Ah, c'est Yvonnec qui nous appelle. Bon, à table. Eh bien, Baruch, voilà... Maintenant, un mois que nous travaillons ensemble. J'ai vérifié tous mes calculs. Je suis sûr du résultat. Nous pouvons commencer quand nous le voulons. Mais quand? Mais, oui, entrez, qui est là? Mais c'est moi, père. Ah. Je voulais te prévenir que j'allais passer la soirée chez Frédéric. Elle est seule avec son père. Pagano et Ravenel sont à Paris pour 3 jours. Ah bon, oui, va, mon enfant. Va, mais ne rentre pas trop tard, hein. Tu sais que je n'aime pas beaucoup... te savoir dehors quand il fait nuit. Mais tu n'as pas à t'inquiéter, père, c'est à côté. Et puis Oscar m'accompagne. Ah bon? Et avec sa lanterne et son bâton de houx, qui oserait nous attaquer? Bon, mais je vais vous accompagner jusqu'à la grille du jardin. J'ai besoin de me dégourdir un peu les jambes. Baruch. Oui, maître. Baruch, allumez les lampes électriques et vérifiez les circuits du four. Ah bon, vous voulez dire que ce soir... Oui. Oui, bien sûr, je m'en occupe, maître, tout de suite. J'y vais de ce pas. Non, mais je reviens. Bon, je reviens. C'est donc pour ce soir, père? Oui, André, c'est pour ce soir. Nous allons travailler très tard et je ne serai sûrement pas couché quand tu rentreras. Tu as l'air inquiet. Non, pas inquiet, mais nerveux. C'est normal, on est toujours un peu nerveux avant une grande expérience. Je suis sûre que tu réussiras. Oh, oh, c'est mauvais signe. Deviendrais-tu superstitieux? Oui, tu vois. Bon, eh bien, je te laisse ici, hein. Passe une bonne soirée. Au revoir, Oscar. Ne vous attardez pas trop. André! Oui, père? Mes amitiés à Bondona. Dis-lui que je viendrai déjeuner chez lui demain. Si je réussis, j'apporterai à Frédéric quelques diamants de ma fabrication. D'accord, je le lui dirai, père. Bien, il est temps d'y aller. Baruch! Tout est prêt? Tout est prêt, maître. Le four est branché, tout va bien, il fonctionne normalement. Avez-vous préparé les creusets? Oui, ils sont là, sur la paillasse. Très bien, alors allons-y. Pendant que je remplirai les creusets avec ces barres de métal, vous verserez la poudre de carbone. Bien, parfait. Cette fois, je suis sûr de réussir. Nous allons fabriquer des diamants comme personne n'en a jamais vu. Mieux que le chimiste Moisson. Oh, Moisson. Mais les diamants qu'il avait réussi à fabriquer étaient minuscules, voyons. Même pas des têtes d'épingles. Il travaillait sur des masses trop petites, pas comme nous. Non, nous allons ruiner les joailliers et les actionnaires des mines de diamants. Tant pis pour eux! La disparition de la guerre ruinera aussi un jour les marchands de canons. Et la disparition de la maladie, grâce à la science, fera disparaître les médecins et les pharmaciens. Tous ces gens-là pourront s'occuper de choses plus utiles. Ah, mon cher Baruch, nous sommes sur le point de réaliser l'un des plus vieux rêves de l'humanité. Les pierres que nous fabriquons dépasseront de beaucoup le plat du roi Salomon qui a été creusé, ce sont les rabbins qui le disent, dans une seule émeraude. Ils seront plus grands que ce rubis géant dont j'ai lu quelque part qu'il était en ce moment la propriété de votre père, le milliardaire Fred Jorgel. Ah non, non, non, non, ne me parlez plus jamais de mon père, je vous en prie. Il n'y a plus rien de commun entre nous. Non, pardon, pardon de cette allusion, mon cher Baruch. J'oubliais. Mais revenons à nos diamants. Tous les creusets sont pleins, il s'agit à présent de les placer dans le four. Êtes-vous prêts? Oui. Voilà. Voilà. Parce que ces creusets sont lourds. Oui. Là, comme ça. Non, un peu plus au fond. Bonbon. Ah, j'oubliais, il faut aussi que je branche le microphone enregistreur. Le microphone? Mais pourquoi? Est-ce vraiment nécessaire? Mais évidemment, cela nous permettra d'enregistrer les bruits inconnus qui se produisent dans la matière en fusion au moment de la cristallisation. Bon, voilà qui est branché. Nous touchons au but. Verrouillez les portes. Voilà. Allez-y. Contact. Wow. 1000 degrés. Oui. 2000. 3000. 3500. Oh God. 4000. Good. 4500. Oh, fantastic. 5000. On va y arriver. 5200. 5300. Encore. 5400. 5500. Un second comme ça et c'est gagné. Plus que 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Coupez. La fenêtre. Ah, vite, ouvrez. Ouvrez la fenêtre. Je n'en pouvais plus. Cette chaleur est insupportable. Une minute de plus et toute la maison brûlait. Oh, ça fait du bien. Dites-moi, combien de temps faut-il attendre encore pour ouvrir le four, à votre avis? Le temps que le système de refroidissement agisse, cela doit faire. Je ne sais pas, environ une demi-heure. Une demi-heure? Pourvu que je ne me sois pas trompé. Baruch, vous entendez la corne de brume? Oui. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est un... J'ai un mauvais pressentiment et... Il y a... La demi-heure est écoulée maintenant. Bon, ben... Allons-y, j'espère cette fois-ci que le courant a accompli son œuvre mystérieuse. La cristallisation doit être parfaite ou alors... C'est un désespéré de la chimie. Pouvez-vous ouvrir les portes du four maintenant? Non, elles sont encore brûlantes. Non, mais tenez, mettez ces gants d'amiante. Attention, Baruch, attention. Ne touchez pas ce creuset avec les gants, là. La protection ne serait pas suffisante. Bon. Non, mais tenez, prenez ces pinces d'acier. Là. pourvu que je ne me sois pas trompé. Allez, allez, vite, vite, ouvrez le premier creuset. Mais je n'y arrive pas, il est scellé. Là. Mais voyons, prenez ce gros marteau, cassez-le. Dépêchez-vous. Regardez, nous avons réussi. Réussi. Nous avons réussi. Réussi. Nous avons réussi. Et regardez celui-ci. Oh, il est gros comme une pomme. Et celui-là, regardez-le. Quel éclat fantastique, formidable. Quel éclat, il y en a pour des milliards. C'est fini, les diamants. C'est fini, c'est terminé. Cela ne vaut plus rien. Vous en voulez? En voilà! En voilà! Autant que vous en voulez! Moi, j'en fabriquerai des tonnes, j'en remplirai des wagons! On en couvrira les maisons, on en pavera les rues! Ils reviendront des cailloux! Des cailloux! Allons, Baruch, ne perdons pas de temps! Alors, voyons, voyons maintenant ce qu'il y a dans les autres creusets. Vous! Ah! Qu'est-ce que... Ah! Au secours! Au secours! Crève donc. Il est imbécile. Imbécile. Crazy. That's crazy. All crazy. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Hein? Maintenant, le secret des diamants. À moi. À moi. Crève. C'est que je ne le pensais. Maintenant, plus de temps à perdre. Bon, les creusets. La valise. Maintenant, je suis riche. J'ai des milliards. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Si c'est André, tant pis pour elle. Maintenant, j'ai plus rien à perdre. Un mort de plus ou moins. Mon revolver. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle attend pour entrer? Mademoiselle André! Liquider le chien. Pas mort, mais c'est tout comme. Quelle peur il m'a fait, sale bête. Bon, j'ai tous les diamants. Maintenant, les pierres dans la vitrine. Oh, mon Dieu, que cette valise est lourde. Ce doit être André. Si personne ne répond, Ivonneuil va finir par se réveiller. Allez, vite, filons maintenant, il est temps que je m'en aille. Ah, flûte, j'oubliais. Le carnet de formule, où est-il? Ah, flûte, je l'avais pourtant bien vu le mettre dans sa poche, le vieil imbécile. Oh, ça y est, je m'en doute, il est tombé dans le four au moment de la chute du vieux. Bon, allez, rien à faire, c'est plus qu'un tas de cendres. Allez, tant pis, je reconstituerai les formules de mémoire, j'ai tout retenu. Allez, Baruch, en route. I'm rich now. À moi le monde. attendez. Vous voulez quelque chose? Ah, oui, il oui, faut que je lui demande s'il veut bien que vous restiez dormir chez Mlle Frédéric, c'est ça? Bon, ben, je vois, hein. Et je vous dirai tout de suite. Hein. Oh! Oh! Oh, Seigneur, mon Dieu! Oh, quel malheur! Oh, quel malheur! Enfin, monsieur notre maître! Monsieur notre maître! Monsieur notre maître! Oh! Oh! Ben, il répond pas. Oh, bien sûr qu'avec la figure écrabouillée et toute cramée comme ça, il doit bien être mort. Oh! Oh, puis tout sang partout! Oh, tout sang! Oh, comment je vais lui dire ça à cette pauvre mademoiselle André? Oh! Oh, comment que je vais bien lui dire ça? Comment que je vais lui dire ça? Oh. Pour votre père, comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Je ne comprends pas. Personne ne lui voulait de mal pourtant. Et lui qui me recommandait ce soir de ne pas m'attarder. Il s'inquiétait pour moi. Dire qu'il serait peut-être encore vivant si je n'étais pas sortie. Oh, André. Allez, viens. Viens, ma pauvre amie. Il ne faut pas que tu restes ici, c'est trop affreux. Viens. Non, non, Frédéric, il faut que je reste. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Pauvre père. Il m'avait dit qu'il avait un mauvais pressentiment. Je m'étais moquée de lui. Non, il ne faut pas que je pleure. Oh, monsieur Bondonna, qui a pu faire cela? Qui? Je ne sais pas, ma pauvre enfant. Il n'y a que Pistolet qui pourrait nous le dire, s'il savait parler. Mais dans l'état où il est, de toute façon... Regardez, justement, il revient à lui. Ça, c'est une chance, les balles lui ont seulement éraflé l'os du crâne. Oui, oui, ma brave bête, allez, allez, on va te soigner. Eh, Baruch. Où est-il? Enfin, il devrait être là, puisque... Et Yvonnette l'a cherché partout. Il ne l'a trouvé nulle part. Je me demande si les meurtriers de Vautère ne l'ont pas enlevé. Ce sont peut-être les bandits qui l'avaient agressé sur la route de Kériti. Votre père aura essayé peut-être de s'interposer. Ils l'auront tué. Pauvre père! Tellement impatient. Il attendait tellement de sa nouvelle expérience. L'expérience? Mais les creusets sont vides. Il avait peut-être réussi. Voyons, voyons. Ils ont brisé les vitrines. Ils ont emporté les pierres. La fenêtre est grande ouverte. Mais bien sûr, c'est par là qu'ils ont dû rentrer et les surprendre. Monsieur Bondonna, regardez! Quoi donc, Oscar? Bah, cet appareil, là. Est-ce que c'est pas le microphone enregistreur que M. Pagano a construit pour M. de Maubreuil? Mais oui, bien sûr. Tiens, l'appareil est branché. Il est même en fin de course. Mais il a dû tout enregistrer. André, il vaudrait mieux que tu sors. Oui, non, non, non, non. Il faut que j'aie le courage de tout entendre. Je vous en prie, mes amis, je dois savoir ce qui s'est passé. Prenez ce gros marteau, cassez-le. Dépêchez-vous. Regardez, nous avons réussi. Réussi, nous avons réussi. Vous avez donc réussi? Regardez celui-ci. Oh, mais il est gros comme une pomme. Baruch était encore là. Quel éclat, oh, quel éclat, il y en a pour des milliards. C'est fini le diamant. C'est fini, c'est terminé. Ça ne vaut plus rien. Vous en voulez? Oh voilà! Oh voilà! Autant que vous en voulez! Maintenant, voyons maintenant ce qu'il y a dans les autres creusets. Non! Mais qu'est-ce que vous faites par lui? Vous êtes fous! Mais qu'est-ce qui se passe? Vaisselle. Là, respire mon enfant, respire. Ça y est, entrez, elle reprend des couleurs. Oh, mes amis, pardonnez-moi, c'est trop cruel. Maintenant, je sais. Assassiner son bienfaiteur, c'est monstrueux. Eh bien, je jure sur la mémoire de mon pauvre père que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que Baruch Yorgel soit châtié. Excusez du dérangement. Père Yvon. Oui, c'est moi. Père Yvon, le pêcheur, ben, je voulais dire que si j'avais su ça, je l'aurais étranglé de mes mains, cette crapule de M. Baruch. Mais expliquez-vous, Père Yvon, expliquez-vous. Et même que c'est moi qui l'ai aidé à s'enfuir. Faut dire qu'il est venu me trouver l'autre soir et qu'il m'a dit comme ça qu'il voulait faire de la contrebande. C'est des choses qu'on peut comprendre, nous autres pêcheurs, vu... Nous aussi, bon, et ben, avec mon fils, on l'a amené à Jersey, quoi. Et sûr que de là, il a bien dû filer en Amérique. Dites, vous croyez que les gendarmes, ils vont me mettre en prison? Eh bien, Père Yvon, vous le saurez comme nous. En écoutant les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'aventures, de mystères et d'épouvantes, le mystérieux docteur Cornelius. Prochain épisode, Traqué. C'était le mystérieux docteur Cornelius, feuilleton d'Edith Lauria, d'après le roman de Gustave Lerouge. Quatrième épisode, Le manoir au diamant. Avec Guy Tréjean, Jean-Pierre Joris, Jean Vienner, Maya Simon, Catherine Laborde, Paul Biciglia, Jean Martin. Musique du générique, Jean Vienner. Bruitage, Louis Matabon. Chef opérateur du son, Bernard Charron. Collaboration technique, Noélie Louis-Marie. Assistante, Brigitte Bouvier. Réalisation, Alain Barou. Première diffusion sur France Culture le 29 décembre 1977. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.